Nous bornerons là les extraits de cette correspondance. Ce temps d'arrêt dans les chagrins, dans les misères que la proscription du transporté accumulait sur sa famille, donna du moins à Louise quelques semaines de tranquillité. Mais si son existence et celle de ses enfants paraissaient à peu près matériellement assurées, la pauvre créature eut bientôt à endurer une véritable torture morale, d'autant plus cruelle que la délicatesse des sentiments de la victime était plus exquise. Elle eut à souffrir des humiliations sans nombre et souvent poignantes dans sa nouvelle condition de dame de magasin. Condition si voisine de la domesticité lorsque la patronne manque de cœur, de tact ou d'éducation. Il en était ainsi de Madame Charpentier. Cette femme, d'un caractère sec, atrabilaire, encore aigrie par une maladie lente, rendait souvent amère à Louise le pain qu'elle gagnait, lui faisant durement sentir l'infériorité de sa position, éprouvant une joie jalouse et méchante de tenir à ses gages comme dame de comptoir la femme de M. Morand, autrefois caissier de la maison Heurtier, fonction qui, en raison de leur importance et de leurs appointements, environ 5 000 francs, y compris les gratifications, mettait leur titulaire ainsi que sa femme à même de tenir un certain rang. La femme du transporté dévorait en secret ses douleurs incessantes, de crainte de perdre une place si précieuse pour elle et pour ses enfants. Elle répondait aux insolences, aux duretés de sa patronne, en redoublant de soins, de zèle et de soumission. Mais les gens d'un mauvais naturel, loin de se laisser attendrir par une résignation touchante, la considèrent souvent comme une preuve de bassesse, et certains de l'impunité, ils écrasent à plaisir ceux que la nécessité force de se courber humblement. Il en fut ainsi de Louise. Sa douceur angélique, son activité, son intelligence ne désarmaient pas Madame Charpentier. « Cette Madame Morand a assez peu de cœur pour tout souffrir plutôt que de perdre sa place, » disait la marchande. Elle agissait en conséquence. D'autres humiliations, parties de plus bas, rendaient plus pénible encore la position de la femme du transporté. La servante de la maison, jalouse de voir la nouvelle venue manger à la table de sa maîtresse, et jalouse aussi de l'ancienne condition de Louise, se faisait un cruel plaisir de la blesser en 1000 occasions. Elle lui refusait le moindre concours dans les soins à donner au magasin. Ainsi Louise lavait les dalles de la boutique, la balayait, remplissait enfin avec une résignation constante et inaltérable les plus rudes emplois. Et Madame Charpentier se mettait de moitié avec sa servante dans cette puérile, méprisable et lâche conspiration contre la dame de comptoir. Une circonstance beaucoup plus grave vint porter à leur comble les angoisses de Louise. Le mari de Madame Charpentier, voyageur pour le placement des nouveautés, revint chez lui après l'une de ses tournées habituelles. C'était un homme vulgaire qui poussait la liberté de ses plaisanteries jusqu'à une licence grossière. Marié à une femme presque toujours valétudinaire, il courtisait d'habitude la demoiselle de magasin. Et d'après quelques mots échappés à la servante, Louise comprit que la personne qu'elle remplaçait au comptoir avait dû quitter la maison par suite de la jalousie de Madame Charpentier, jalousie très motivée d'ailleurs. Le mari de retour, et d'abord fort contrarié de l'expulsion de la jeune fille que Louise remplaçait, crut pouvoir considérer celle-ci comme une sorte de dédommagement. Elle était encore jeune, belle, et un jour il lui déclara impudemment ce qu'il appelait son amour, avec le cynisme révoltant de l'homme qui se dit « Après tout, c'est moi qui paie vos gages ?» La femme du transporté fut épouvantée. Au moindre soupçon jaloux de Madame Charpentier, elle devait s'attendre à être chassée de la maison. Aussi, profitant d'un moment où elle se trouvait seule avec son patron, au lieu d'écraser de son mépris ce misérable qu'elle était forcée de ménager, elle lui dit les larmes aux yeux « Monsieur, soyez généreux, mes 2 enfants et moi, nous serions réduits à une misère affreuse si j'étais renvoyée d'ici. Je vous le demande à main jointe, ne persistez pas dans des poursuites inutiles et dont le résultat déplorable pour moi, si elles étaient malheureusement remarquées par Madame Charpentier, serait de me faire perdre cette place, ma dernière et unique ressource. » Cet homme eut l'audace infâme de répondre à Louise « Écoutez-moi bien, je suis très amoureux de vous. Je repars pour un voyage de 3 semaines. À mon retour, je vous compromettrai si bien aux yeux de ma femme qu'il faudra que vous sortiez d'ici. Et alors, comme vous n'aurez plus aucune ressource, comptez sur moi. Je vous ferai un joli sort, digne de vos beaux yeux, et je paierai la pension et l'apprentissage de vos enfants, si vous êtes gentille. » Ce misérable partit. Que l'on juge des terribles appréhensions de Louise en attendant le retour de celui qui tenait, dans sa main, le sort de la famille du transporté. Ces terribles appréhensions et les humiliants dédains que lui faisaient subir Madame Charpentier et sa servante, Louise tâchait de les oublier au milieu des caresses de ses enfants qu'elle voyait chaque dimanche. Il répondait à toutes ses espérances. On adorait Juliette dans son pensionnat, et M. Moulin, l'ébéniste, se louait chaque jour davantage du zèle, de l'intelligence et de la docilité d'Albert, le modèle des apprentis, disait M. Moulin. Mais lorsque la femme du transporté, après avoir reconduit sa fille à sa pension et son fils chez son patron, revenait le soir à son magasin, elle sentait son cœur se serrer douloureusement en songeant aux humiliations cruelles qui l'attendaient, en songeant surtout à la proposition infâme et à l'effrayante menace de cet homme qui, à son retour, devait la faire chasser du magasin et la priver ainsi de ses dernières ressources si elle se refusait d'écouter des offres abominables. À partir de ce moment d'attente qui remplissait d'angoisse et d'épouvante chaque heure de la vie de la femme du transporté, nous ignorons ce que ses enfants et elles sont devenus. Pourquoi, nous dira-t-on, n'avez-vous pas ajouté un heureux dénouement à cette triste et véridique histoire? Nous avons laissé ce récit en suspens, d'abord parce que son dénouement vrai nous est inconnu, et puis parce que nous espérons rendre, pour ainsi dire, saisissable, sensible au lecteur, cette désolante et redoutable incertitude qui plane en ces temps-ci, non seulement sur cette famille, mais sur des milliers de familles, fatalement placées dans des conditions non moins déchirantes, non moins désespérées, par la transportation ou par l'exil de leur chef, ces hommes dont le seul crime fut d'avoir un jour, au nom du droit, défendu la loi.